Sous un violon, je ne veux pas être seul à éprouver cette sensation. Je ne veux pas être seul à danser sur l'accordéon. Je ne veux pas être seul à afficher mes émotions. Je ne veux pas être seul à souffrir de désillusions. Aidez-moi, aidez-moi. Je ne veux pas être seul à citer des incantations. Je ne veux pas être seul à passer pour un pieux couillon. Je ne veux pas être seul à m'impliquer dans la passion. Je ne veux pas être seul à être objet de méditation. Je ne veux pas être seul à fantasmer sur vos visions. Aidez-moi, aidez-moi. Je ne veux pas être seul à changer comme un caméléon. Je ne veux pas être seul à provoquer l'irritation. Je ne veux pas être seul à mener toutes les rébellions. Je ne veux pas être seul à subir toutes les trahisons. Je ne veux pas être seul à recevoir les coups de bâton. Aidez-moi. Comme Napoléon, je ne veux pas être seul à scruter au loin l'horizon. Je ne veux pas être seul à conduire hommes et légions. Je ne veux pas être seul à céder sous la contagion. Je ne veux pas être seul à manipuler les canons. Je ne veux pas être seul à terminer roi en prison. Aidez-moi. Aux hésitations, je ne veux pas être seul à me poser dans de questions. Je ne veux pas être seul à me ranger à la raison. Je ne veux pas être seul à devoir vivre sous conditions. Je ne veux pas être seul à mourir sans autre intention. sauver.